tête à tête. Je vais te tatouer de chaque parcours de mes conquêtes. Code le nombre de mesures que je peux écouler. Code le nombre de larmes de mes yeux coulées. Feuille blanche, toi-même tu sais que je ne t'aime pas. Dans cet état tu me rappelles que de l'inspi j'en ai pas de plus. Tu me fais mal aux yeux de ton éclat et je pleure une fois arrivé à la dernière syllabe. Feuille blanche, je ne suis pas de ceux qui racontent que de la merde. Tout ce que je te dis que sort pas de compte. Ta couleur m'inspire toute cette merde que vend les dealers. Mais j'avoue que par moment tu me sers l'antidouleur. Feuille blanche, face à toi plongée dans mes rêves. T'es la seule qui rentre dans ma tête sans greffe. Oh bref, j'ai besoin d'une trêve, alors va-t'en. Ou je te jette dans la corbeille pour un poste vacant. Feuille blanche, empilée à côté de moi. On est moi les unes les autres, parfois collées comme des scies à moi. L'usure de mes phalanges marque le temps perdu. La température augmente dans la pièce, elle est perdue. Feuille blanche, vierge tu resteras, ne te tracasse pas. Je m'envole dans un autre monde, loin du peurat. Les MC n'ont pas de cerveau et ne pensent qu'au billet. Vers vulgaire bout de papier qui pousse à piller. Quand la nuit tombe, nous sommes seuls face à la pénombre. Face à notre feuille, la pénombre est tombée. On n'est pas là pour se morfondre, on morfle. On se répand sur les ondes. Quand la nuit tombe, nous sommes seuls face à la pénombre. Face à notre feuille, la pénombre est tombée. On n'est pas là pour se morfondre, on morfle. On se répand sur les ondes. Je blanchis les nuits pour noircir mes feuilles. La peine empire car aujourd'hui c'est le deuil. Je voudrais ne plus te déparler mes sentiments. Je te aime à certains moments, toi tu me manques. Feuille à la couleur que présente la paix. Tu sais c'est pas très pisse ce qui se passe dans ma tête. Tu es la seule qui a su faire taire mes SOS. La seule qui dans ce putain d'enfer me déstresse. La tête à l'envers et ma plume ne sait plus. L'encre de ma plume tu sais c'est l'amertume. J'écris des vers pour combler mes lacunes. Feuille blanche désormais tu n'as plus ce statut. Vivre avec le mal c'est pas une situation sentimentale. À mon peine c'est pas une incitation à la haine. Je veux plus écrire car j'ai sans cesse le mal de vivre. Je veux plus souffrir car j'en ai marre de vivre. Feuille blanche, tu m'as ouvert les yeux. Et dire qu'au début nous deux c'était qu'un jeu. À l'optimisme tu m'as fait dire adieu. Tu m'as fait comprendre que nos actes sont odieux. Feuille blanche, t'es mariée à notre souffrance. J'ai appris à te connaître à certaines crises d'adolescence. On s'est mariés pour le meilleur mais surtout pour le pire. Aujourd'hui je divorçais mais tu me l'interdis. Quand la nuit tombe, nous sommes seuls face à la pénombre. Face à notre feuille, la pénombre est tombée. On n'est pas là pour se morfondre, on morfle. On se répand sur les ondes. Quand la nuit tombe, nous sommes seuls face à la pénombre. Face à notre feuille, la pénombre est tombée. On n'est pas là pour se morfondre, on morfle. On se répand sur les ondes. Quand la nuit tombe, nous sommes seuls face à la pénombre. Face à notre feuille, la pénombre est tombée. On n'est pas là pour se morfondre, on morfle. On se répand sur les ondes. Quand la nuit tombe, nous sommes seuls face à la pénombre. Face à notre feuille, la pénombre est tombée. On n'est pas là pour se morfondre, on morfle. On se répand sur les ondes.